Hey. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Right. 89.1 MTV. Whoa. Makes me wanna smoke crack. Yes. On reçoit Simon Fitzbé avec sa chronique Phénomène. Et on se crée des besoins avec ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. Assemblage requis, ça commence tout de suite. Bon, c'est comme un petit chat qui se gratte la patte. Bon. Je suis sûr que t'étais un chat dans un autre vie. Sûrement, ouais. J'espère. Ouais. J'espère l'être dans une autre aussi. Ah ouais? Pas que je croie à ça du tout, mais en tout cas. Donc, bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de Tifo à Trois-Rivières en ce jeudi 20 octobre 2011. Et moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier. Oui, François-Olivier, oui. Oui, Mathieu Plante. Nous sommes tous chats. Non? Hey, je trouve ça plate cette semaine, aujourd'hui. De quoi? Parce que François Landry n'est pas avec nous. C'est vrai. C'est même sa place, je la trouve très intéressante, sa chronique. Par contre, il va être là pendant la semaine de relâche, ouais. Qui est quand même quelque chose à remarquer. Non, c'est ça, exactement. C'est quelque chose de bien. Exactement. Donc, il sera pas là en fin d'émission. On va compenser par d'autres choses, bien évidemment. À 8h, par contre, Simon Fitzbé est là avec ses chroniques Phénomènes. Et aujourd'hui, il nous parle de l'industrie américaine du disque, la Recording Industry Association of America. Oh, OK. C'est la RIAA. Oh. Tu connais ça? Non. Non? Non? Dit comme ça, là, ça me dit rien du tout. World Wrestling Federation? Oh, ça, je connais, par exemple. Ah, oui, c'est la ça. World Wrestling Federation. Sinon, aujourd'hui aussi, on a évidemment le bulletin Geek Cynix avec des nouvelles, entre autres, sur les disques durs. Apparemment, qu'il va y avoir une pénurie de disques durs et que ça va faire monter les prix. Une pénurie de disques durs. Une pénurie de disques durs. C'est à cause bizarre, de. Ouais, je sais, c'est à cause de, des inondations en Thaïlande, François. C'est pas vrai, ça. C'est vrai, ça. Arrête. Je te jure. Eh non. C'est ce qu'ils disent. Les disques durs sont toutes faites au cap, si. Ah ouais, faut vrai. Je savais pas ça. Sinon, aussi, on a une chronique, ça existe, mais ça devrait pas. Là, on va régler vos problèmes, les problèmes que vous avez tous, là, sûrement. Comme par exemple, tiens, vous voulez nourrir votre enfant. Mais il aime pas ça, les petites. Que votre cuillère soit comme un petit avion. Tu fais comme ton ouais. Petit avion, le train va rentrer. Bon. À la place, ben, tu lui donnes une bavette Star Wars, puis là, ta cuillère, c'est la USS Enterprise. Ah ouais? Ah ouais? Ah. Pas pire, hein? Ah, c'est bien. C'est dans c'est ça bien. Existe, mais ça. Mais je sais qu'ils se vendent aussi des ustensiles, une fourchette, cuillère, là, toute la patente, ouais. Mais vraiment en avion, là. Ah ouais? Ouais, avec des ailes. Écoute, je vais essayer de te trouver ça. Ah, ah, ah, ah. Je vais essayer. J'aime ça aussi. En tout cas, il vend des affaires pour ton enfant, là. Enfant. Par exemple, mettons une manette de Nintendo à mâcher, à mettre dans la bouche pour faire ses dents. Ouais. Bon, fait que c'est ça. Ça, ça va être vers quelle heure, Mathieu Plante? En première heure, probablement. Sinon, il y a aussi, j'ai envie de faire aujourd'hui un autre écoutons la chanson. Un autre petit quiz musical où je te passe trois pièces et tu dois deviner le thème entre tout ça. Formidable. On va essayer de faire tout ça. Je pense qu'on devrait avoir le temps aujourd'hui. Si on n'a pas de François Landry. Oh, on a le temps. Oh, ouais. On a le temps. On va par contre quand même se dépêcher à commencer l'émission en place de parler pendant 10 minutes, hein, même au début. Hein? Écoutez, au bijou. Au bijou. T'aimes ça? Ah oh, oui, j'aime ça. T'adores la voix de la fille et moi aussi. Ça fait très bien ce matin aussi. Ça, on dirait que c'est un matin pour rester couché. C'est comme si la playlist venant de notre réseau mère à Montréal. C'est exactement ça, écoute. T'as très bien. Tu l'as très bien dit. On pourra profiter pour rappeler aux gens qu'ici, à C'est Fou, toute la musique est décidée par les animateurs. Ouais. Ça fait différent, hein? Ça, c'est vrai. Les gens savent peut-être pas qu'il y a une playlist montréalaise pour toutes les stations des radios commerciales. Ben, je pense que... J'espère qu'ils savent. Ouais, ça, c'est, j'espère aussi. La pièce qu'on va entendre? Niagara. Niagara. Formidable. Au 89 FM, c'est fou. Une station qui ne fait pas partie de réseau. Et qui en est bien fier. Au grand plaisir. De... Ah oui. De tous. Ça va partir, ça va partir. Ah, inquiétez-vous partir. Pas. Ah, lève-le. Oh! Trois fois sur le bouton play, ça finit par partir. La pièce automne de Navet Confit, Assemblage requis. Toujours bon, ce Navet Confit, surtout cette pièce-là. Quand ça part. Quand ça part. Mais très à propos quand même. Ouais, exactement. Quoi que quelque chose qui part pas en ce moment, c'est à propos de la plupart des gens qui n'ont pas envie de se lever. Ça. Ouais, ça, c'est plus dur à partir. Ouais, c'est un peu ça. Moi, ce que j'ai de la misère à partir des fois, c'est mon ordinateur. Là, j'essaie de faire une transition vers la chronique. C'est NX. Et la chronique CNX aujourd'hui commence avec plein de nouvelles. En fait, des nouvelles pas super importantes, mais quand même intéressantes à entendre. Entendre. Par exemple, on parlait de pénurie de disques durs et hausse des prix. C'est à cause des inondations en Thaïlande qui ont déjà fait plus de 300 victimes. Ça a également des répercussions sur l'industrie de l'électronique. On annonce une pénurie de disques durs dans les prochaines semaines. En effet, la Thaïlande est la plus importante base de production des composants pour les disques durs. 25% de la production mondiale se trouve en Thaïlande. Western Digital, Toshiba, Seagate, Hitachi, Nidec, TDK, MinHike Technology et Qualcomm Electronics sont des usines dans ce pays d'Asie du Sud-Est. Avec les inondations de ces dernières semaines, les dégâts matériels sont assez importants dans certaines de ces usines, ce qui perturbe largement la production. Les stocks de disques durs chez ces constructeurs sont d'ailleurs passés de 20-25 jours à 10-15 jours, ce qui pourrait se traduire par une pénurie de disques durs d'ici la fin de l'année. Western Digital a annoncé que sa production annuelle subirait une chute de 40% cette année. Le retour à la normale n'aurait lieu que dans 6 mois, le temps que les usines reprennent leur régime initial et des livraisons comme avant. Une autre conséquence, elle, déjà confirmée par les constructeurs, est la hausse des prix. La situation actuelle va donc faire monter les prix, et ce, dès le mois de novembre. Peut-être est-ce que c'est le moment de songer à passer au SSD, dit l'article, pas sûr. SSD qui c'est, est... les disques durs, dans le fond, basés sur de la mémoire flash. En fait, c'est pas des disques durs, ce sont des mémoires de stockage, finalement, mais ça revient très, très cher du gigaoctet. Mais par contre, j'en ai un, je m'assume là-dedans, étant donné qu'on se l'a déjà dit plusieurs fois, j'ai aucune vie. Fait que ma vie est basée sur mes gadgets que j'achète. C'est un passe-temps pour moi. Et j'en ai un disque dur SSD, ça améliore vraiment tellement ta machine que je reviendrai jamais en arrière. T'sais. Ça améliore la rapidité? La rapidité d'ouverture et de fermeture de Windows ou de Mac OS X, mais aussi le départ des applications. Tout est plus, tu sais, snap, là. Tout ouvre instantanément. C'est vraiment très, très bien, les disques durs SSD. Si vous en trouvez un pas cher, genre un méga deal, comme j'ai fait, ça vaut la peine. Sur Internet, le Newegg, entre autres, le .ca, là, c'est pas mal là, les disques durs SSD. Ouais. Ah. Je trouve, ça vaut tellement la peine. Parlons maintenant un petit peu de l'iPhone 4S qui coûterait 188$ à produire. 188. Calculé par le cabinet iSupply, le coût de fabrication de l'iPhone 4S est le même que celui de l'iPhone 4, ce qui offre de très belles marges de profit à Apple, comme l'iPhone 4. J'imagine, oui. Comme l'iPhone 4 et tous les autres terminaux Apple avant lui, l'iPhone 4S a eu droit à son démontage en règle chez iSupply afin de détailler l'ensemble de ses composants et leurs coûts. Il apparaît que le coût de production totale du nouveau smartphone vedette d'Apple est de 188$, c'est-à-dire la même chose ou presque que pour l'iPhone 4 qui avait été estimé l'année dernière à 187$. Parmi les éléments qui changent, le processeur A5 coûterait 15$, le capteur photo 8 millions de pixels 17,60$ et la nouvelle puce GSM CDMA qui fonctionne partout dans le monde de Qualcomm et non plus de Infineon coûte entre 14 et 15$. Ce prix de 188$ est valable pour l'iPhone 4S 16Go. Il passe à 207$ pour la version 32Go et à 245$ pour la version 64Go. Ça correspond à des prix de revient. Donc ça, c'est la marge de profit de 137, 151 et 178, ils disent euros. Dans l'article. Sachant que ces trois versions sont commercialisées en vrai à 629, 739 et 849, ça donne une très grande marge pour Apple. Le plus étonnant est celle concernant la mémoire flash. Le passage de 16 à 32 gigs est facturé, encore une fois, des euros, 110 euros. Le même que pour le passage de 32 à 64, alors qu'il n'en revient qu'à 14 euros en réalité de passer d'une à l'autre. Donc c'est vraiment... Ouais. Ils vont avec... aussitôt que tu montes un petit peu de mémoire, ils te mettent ça dans le... D'en face! D'aide! Oui. C'est ça. Non, mais tu sais, c'est comme ça. C'est le même. Oh, faut bien qu'ils fassent leur profit s'ils veulent marcher. Hein. C'est une compagnie capitaliste. Hein. On vit dans ce genre de monde-là. Si vous n'êtes pas content, mais passez ailleurs. Ou achetez-les tout simplement pas. Ben, c'est ça, exactement. Les internautes préfèrent les critiques des consommateurs, François-Olivier. Malgré les efforts des entreprises pour se montrer sur les réseaux sociaux, les consommateurs privilégient les critiques rédigées par leurs pairs. Les gens, les humains de la race humaine, là. D'après une nouvelle étude Nielsen publiée le 14 octobre en s'appuyant sur les chiffres du Social Media Report de Nielsen et McKinsey pour le troisième trimestre de 2011. Donc la majorité des marques a beau s'afficher sur les principaux réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, l'étude montre que les consommateurs préfèrent s'informer sur les nouveaux produits en consultant les critiques rédigées par les autres. La majorité, 63% des utilisateurs des médias sociaux, ont désigné les notes de consommateurs comme leur source préférée pour obtenir des infos sur un produit ou un service. Viennent ensuite les critiques des consommateurs, qui sont la source préférée de 62% des membres des réseaux sociaux. À titre de comparaison, des méthodes de marketing plus modernes, comme la publicité en ligne, ne parviennent pas à convaincre les internautes. Hey, hein? Meuf l'a surpris! Ébahi! Quoi? Ébahi! Hey, la publicité en ligne, ça marche pas! Arrête-moi donc ça! Ben, voyons donc. Hey! Je pense qu'il y en a pas assez. Ben non, c'est ça, parce qu'on n'est pas assez inondé, puis non, mais c'est parce que tes yeux finissent par plus y voir, là. Hein? Non, c'est ça. Puis, veux pas, il y en a partout. Là. Partout, ben oui. Partout. Pas juste sur Internet. Pas juste sur Internet. Là. Journaux, magazines, radio, télé, pancartes sur l'autoroute. Même, tu vas dans des campagnes, genre dans des petits fonds de petites villes, puis les gens, sur leur ferme, ils se sont fait vendre des grosses pancartes de Subway, genre, affichées sur le côté de leur ferme. Ouais. Tu sais? Tu joues même à des jeux vidéo, puis ils sortent des pubs dedans. En bref. T'es vois plus ces affaires-là. Puis la plupart des gens, de toute façon, sur Internet, en tout cas, je dirais pas la plupart des gens parce que je pense pas que ce soit la plupart des gens, mais ceux qui, mettons, connaissent ça depuis longtemps et sont des experts d'Internet vont facilement bloquer les publicités par des plugins. Bref. Seulement 15% des utilisateurs de réseaux sociaux les citent comme leur source d'information préférée. Et les comptes Twitter et les publicités en ligne ne séduisent que 8 et 7% des personnes interrogées pour s'informer sur des produits particuliers. Une étude du mois d'août par Polaris Marketing Research montre que les marques dotées d'une page Facebook montent quelque peu dans l'estime de 33% des Américains. Et pour 51% d'entre eux, le fait d'avoir une page Facebook pour une entreprise signifie qu'elle s'intéresse à ce que les consommateurs pensent. Est-ce que c'est vrai, ça? Je sais pas, hein? Avoir une page Facebook, c'est comme nécessaire quand t'es une entreprise. Ben, idéalement. Ça dépend de l'entreprise de quoi, aussi. Ouais, c'est ça. Exemple, tu fais des chandelles... Tu sais, tu produis des chandelles, ouais, là... Avec ta cire d'oreille, mettons. Tu sais, ça change pas grand-chose. Non. Je pense pas. J'avoue. Mais ça peut pas nuire, par contre. Ça peut aider. Tu peux faire des ventes de plus si les gens visitent tes chandelles de cire d'oreille et puis disent « Ah, Caroline, c'est la belle cire. » Ben, ils vont en acheter. Bon, ouais, peut-être. Ils vont te contacter par Facebook. Ça pourrait arriver. Peut-être. En tout cas, ça peut pas faire de mal. Non. C'est pas bien dur à faire non plus. Non, c'est bon. Ça, exactement. La publication d'un hyperlien n'est pas diffamatoire, juge la Cour suprême. La Cour suprême du Canada a statué que le fait de publier un hyperlien, d'accord, un lien, menant, à des, comme dans le parler populaire, juste un lien, menant à des déclarations diffamatoires n'est pas diffamatoire en soi. Le plus haut tribunal maintient donc dans un jugement unanime une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique à cet effet. L'ancien directeur de campagne du Parti vert, Wayne Crooks, soutenait que de publier un hyperlien menant à un site où se trouvaient des propos diffamatoires revenait au même que de publier ses propos diffamatoires en tant que tel. Or, le site visé par le plaignant ne reproduisait pas le contenu diffamatoire et ne faisait pas de commentaires à ce sujet. Le juge de la Cour suprême de Colombie-Britannique avait rejeté la plainte, indiquant que les hyperliens étaient l'équivalent d'une note de référence en bas de page ou une référence à un site web dans une publication. Ah, c'est toi qui vas le visiter, donc c'est toi le problème, genre, c'est ça? Wayne Crooks avait été tenté plusieurs recours visant notamment Google, MySpace et Wikipédia. De nombreux experts craignaient qu'une victoire du gars ait un effet dévastateur sur l'Internet, notamment en matière de liberté d'expression, en plus de susciter une avalanche de poursuites. J'adore ça. Bien dit. Très bien. Google va présenter bientôt son rival à iTunes. Le vice-président de la division mobile de Google a confirmé hier que l'entreprise californienne est très proche de dévoiler un magasin de musique en ligne. Dans le cadre de la conférence Asia D, tenue à Hong Kong, Andy Rubin a affirmé que le magasin aura un petit quelque chose de spécial. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas. Oh. Et je cite, ce ne sera pas seulement des chansons à 99 cents. Hey, va pas des chansons à 79 cents, maintenant? Révolutionnant! En mai dernier, Google a lancé Google Music, un service qui permet aux membres de stocker jusqu'à 20 000 chansons sur les serveurs de l'entreprise afin qu'elles soient disponibles sur n'importe quel appareil. Le service est en version bêta en ce moment et disponible sur invitation aux États-Unis seulement. La semaine dernière, le New York Times a rapporté que Google est en discussion avec des maisons de disques pour offrir un magasin de musique un petit peu comme celui d'Apple ou de Amazon. Selon le quotidien new-yorkais, le lancement pourrait se faire au cours des prochaines semaines. On va vous tenir au courant, bien évidemment. Ah, c'est sûr qu'on va en parler. It's of course, it's obvious. Est-ce qu'on a un nom? Non. Non. Pas, ils gardent le suspense. Ouais, j'espère qu'ils vont trouver quelque chose de plus original que la plupart de leurs noms de produits en ce moment. C'est pas mal tout Google quelque chose. Ouais, hein? C'est sûr. Google Docs, Google Mail. D'après moi, ça va rester aussi dans la lignée. Ouais. On va voir. Ça risque d'être bien, par exemple. Un peu de concurrence. Ben, ça nuira pas, ça. Ça nuira pas du tout. Quelques petites nouvelles de jeux vidéo en rafale, comme ça. Annoncé à l'E3, l'écran 3D de Sony. Tu te rappelles l'écran 3D ouais. qui était brandé avec la marque PlayStation dessus. Donc, l'écran 3D de Sony centré sur le jeu arrivera dans le commerce en novembre, le 13 novembre aux États-Unis et sûrement au Canada aussi. Outre sa capacité à diffuser des images en 3D en relief actif, la particularité de cet écran qui distingue l'écran des autres modèles, c'est qu'il offre une option destinée aux multijoueurs. Donc, c'est la technologie qu'on appelle SimulView, qui permet en effet de jouer à deux sur un seul écran, les lunettes se chargeant de filtrer les images destinées au joueur qui est situé à gauche et l'autre situé à droite. C'est quelque chose, là. Ça, c'est vraiment génial comme technologie, si ça fonctionne bien. Alors, ouais, c'est ça. C'est ça. À la version moderne de l'écran partagé, donc un petit peu comme dans les jeux de course, mettons, on pourrait avoir chacun son joueur sur chacun sur l'écran. Évidemment, dans ce cas précis, l'image reste en 2D, nous dit-on. Ah, d'accord. C'est bizarre, ça. Ah oui, vas-y. Ouais. Par ailleurs, l'option SimulView doit être proposée par le jeu pour être activée, ce qui est pour l'heure le cas de MotorStorm Apocalypse, Gran Turismo 5, Killzone 3 et Super Stardust HD, en attendant des patchs pour peut-être rendre d'autres titres compatibles. Disposant de deux ports HDMI, d'une entrée YUV, d'accord, et d'une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz, c'est pour ça que j'allais vite par-dessus, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. C'est sûrement quelque chose de bien, bien intéressant. Une prise YUV. C'est une affaire de couleur, là, une affaire de couleur. Là. Oh. Ça parle de couleur. Oh. Color Image Pipeline. Eh bien, non, c'est pas notre domaine, hein, ça. Non. Du tout. Mais bon, l'écran embarque également un petit subwoofer pour compléter les enceintes, les colonnes de son, sans risquer de faire de l'ombre à un vrai caisson de basse. D'une taille de 24 pouces, il sera livré aux États-Unis au moins avec un câble HDMI, ce qui est quand même rare dans les télés et les imprimantes. Mais c'est pas ça qui vaut cher, là. Non, ça vaut cher si tu l'achètes dans le mauvais magasin. Ouais, mettons, ça, là, genre une place qui vend des TV, mettons, du futur. Là. Non. Pas dans une usine du futur. Mais... ouais. Mais... non, mais c'est ça, exactement, parce que si tu vas... comme chez mon cousin, là, on va l'appeler Mato. Mettons. c'est vraiment moins cher. Ou sinon, des sites internet, je pense qu'il y en a, des si t'es pas pressé non plus de le recevoir. Là. Pour sûrement le dixième du prix. Ça vaut la peine. Ah, ça vaut la peine. Même si c'est un fil. Là, ouais, c'est un fil. On capote pas. Là. Non. Caroline. Donc, ça vient avec le câble HDMI, comme on disait, une paire de lunettes et une copie de MotorStorm Apocalypse, tout pour 500$ environ. Et voilà, donc, pour cette nouvelle de l'écran 3D de Sony PlayStation. Plus d'un joueur sur deux achète du contenu téléchargeable sur les consoles aux États-Unis. C'est l'Institut américain spécialisé dans les études de marché relatives aux jeux vidéo, ce qu'on appelle LIDAR, qui vient de publier les résultats d'une recherche faite sur le comportement des joueurs vis-à-vis des contenus téléchargeables. Concentré sur les seuls marchés américains et canadiens, j'aime pas les articles qui disent États-Unis. L'étude démontre que 51% des joueurs PS3 et Xbox 360 ont acheté un DLC, ce qu'on appelle donc du contenu téléchargeable, au cours des 12 derniers mois. Le contenu téléchargeable, on parle d'ajout à des jeux qui existent déjà, j'imagine, parce que d'habitude, downloadable content, je sais pas si ça inclut les jeux qui sont exclusifs au en ligne, t'sais, au PlayStation Network, au Xbox Live Arcade. Peut-être que ça l'est. Bonne question. Un chiffre qui est en nette hausse depuis 2009, donc de 34%, et par rapport à 2010, c'est une montée de 40%. Parmi les raisons évoquées par les 49% de non-acheteurs, les problèmes de vie privée, l'absence de politique de retour, c'est sûr. C'est parce que souvent, tu l'achètes puis tu le gardes. Hein? C'est pas vraiment de démo disponible, pas tant de résumés, il faut aller voir toi-même sur Internet. Je sais que sur le PlayStation Network, particulièrement, j'achète quand même pas mal de jeux téléchargeables là-dessus. Et combien tu payes ça? Ça dépend des jeux, il y en a à 10, il y en a à 5. 10$? Ouais. T'en achètes beaucoup? Pas mal. Quoi, une fois à semaine? Je dirais peut-être une fois par deux semaines, mettons. OK. Ouais. Des fois, je m'achète une petite carte, là, PlayStation Network, je la rentre là-dedans, puis là, ça me fait un petit portefeuille de genre, je sais pas, 25 ou 50$ dépendant de la fois, puis ça me dure quand même longtemps, ça. OK. Plusieurs mois, facilement. Ouais, fait que je prends pas les jeux si chers que ça. Mais par contre, c'est ça, c'est que t'arrives sur le PlayStation. Moi, j'ai pas d'Xbox, fait que je peux juste parler de la PlayStation 3. Ouais. Mais t'arrives sur un jeu qui t'est recommandé parce que ça regarde les jeux que t'as acheté dans le passé. Ça te recommande des jeux. C'est toujours des très très bonnes suggestions, à mon avis. Mais il y a comme pas tant de résumés. La petite vidéo de démo est peut-être de genre 20 secondes avec du texte qui apparaît. C'est comme une balance de film. Ça me dit absolument rien sur le jeu. Là, faut que j'aille moi-même sur YouTube chercher genre le nom du jeu Review. Pour voir des vrais extraits ou gameplay, pour vraiment voir de comment. Moi, je veux savoir comment ça va se jouer. J'aime ça. Okay. Mais il y a des démos aussi parfois. Ça. Donc, c'est ça, on dit que LIDAR estime que les DLC représenteraient 875 millions de dollars de revenus en 2011. Ils pourraient monter jusqu'à 1 milliard de dollars l'année prochaine. J'en reviens juste pas. C'est incroyable, ça. C'est beaucoup d'argent. Fou, hein? Et pour terminer, une nouvelle qui va avoir lieu demain, en fait, on en parle en bref comme ça parce qu'on n'a pas encore les informations, mais Nintendo a annoncé, en prenant tout le monde par surprise hier, qu'il va y avoir une nouvelle conférence dédiée à la Nintendo 3DS, un événement qui aura lieu dès vendredi aux environs 13h. Donc ça, c'est un article européen. Des fois, ils précisent pas si c'est à heure de l'Europe ou heure de l'Est ou quelque chose du genre, ou heure de l'Ouest américain. Mais quand même, on sait qu'il va y être question de la prochaine mise à jour de la console, mais Nintendo a peut-être d'autres sujets en tête. On sait pas encore. Ouais, j'imagine. Parce qu'en quoi ils peuvent... Ben, ils viennent d'annoncer il y a quelques mois... Ils vont pas changer de modèle, ça, non, j'espère que non. La 3DS est super récente. Le prix a été baissé d'une méchante grosse affaire. Ils ont ajouté le petit le slider pad là, dont je t'avais parlé, le petit truc de plastique que tu mets la 3DS dedans pour avoir un deuxième joystick. Qu'est-ce qui reste d'autre pour faire plaisir? Parce que là, peut-être qu'ils se rendent, t'sais, ils voient là, Nintendo, que les ventes sont pas aussi hautes qu'ils auraient espéré. Peut-être, ça pourrait arriver qu'ils disent... on fait une 3DS Lite, mais tu sais, genre, on l'appellera pas 3DS. Parce qu'il y avait des rumeurs il y a quelques semaines qui disaient que Nintendo avait peut-être envie de sortir une console mise à jour de la 3DS, juste pour ceux qui veulent vraiment la. Tu sais, qui n'ont pas encore acheté la 3DS, mais qui s'appellerait pas 3DS puis qui miseraient beaucoup moins sur l'aspect 3D. Ce serait plus genre une genre de nouvelle Nintendo DS normale. Parce que c'est ça, l'effet 3D ne fonctionne plus ou moins. Les gens aiment pas tant ça. Donne un mal de tête, peut-être. Pour certains, c'est ça. Il y en a qui se tannent vite de ça. Je peux comprendre, tu sais. Honnêtement, je peux comprendre. Mais pour l'avoir essayé, quand tu l'as amené, moyen. Ouais. Moyen. Moyennement. Moi, ça m'arrive de jouer sans le 3D, honnêtement. Ah, c'est sûr. Je suis un grand, grand fan de Nintendo, mais tu sais, je joue en 2D puis ça va très, très bien. Ah non, c'est sûr. À la limite, t'as pas le choix. Si tu veux jouer longtemps. C'est ça. Surtout que, tu sais, l'angle de vue aussi, si tu veux jouer, mettons, au coucher ou assis dans le divan. Bonne chance pour rester bien droit. Oh, non, c'est ça, puis il y a des jeux qui utilisent le gyroscope, c'est le nouveau Mario, entre autres, Kart, c'est autant de se pouvoir avancer plus pour faire du deltaplane. Okay. Fait que apparemment que tu sais, faut que tu bouges tes yeux avec pour suivre l'angle de l'écran. Non. Je trippe pas là-dessus. En tout cas. Bref, demain on va en savoir plus là-dessus, donc on en parlera quoi à l'émission de lundi. Exact. Lundai. Et en passant, avant de passer en chiptune, je vous annonce quelque chose que j'ai prononcé en nom encore seulement sur Internet et à d'autres places. Est-ce qu'il y a d'autres places que l'Internet? Non, pas vraiment. En tout cas, sur les différents Internets, j'ai pris chacun des Internets, je l'annonce là-dessus. CNX.zip recommence tout à l'heure jeudi. C'est à 10h. 10h. Du matin jusqu'à 11h. 10h, là, quand on dit 10h, c'est un petit peu avant 10h parce que peut-être l'émission va être un petit peu plus longue que 10h parce que mes chroniques sont gigantesquement longues. Fait que donc peut-être à 10h moins 5, moins 10, dans ces coins-là. CNX.zip avec les chroniques CNX de la semaine et tout le chiptune que vous avez entendu et puis un peu de belles voix de moi-même entre ça. Hein? De plus. De la voix bonus, comme un genre de. De la voix bonus, tabarouette. Arrêtez-le. Arrêtez-le, quelqu'un. En chiptune, donc on écoute Yes Pizza avec Life's Forever. Tu vas aimer ça. Tu vas adorer ça, François. C'est Alex, la chronique la plus geek de la radio. We'll be right back. assez fou pour l'écouter. 89.1. François Olivier, Mathieu Plante, pièces détachées, assemblage requis. À chaque matin, je me dis, il faudrait que je lave mes lunettes parce que je te vois pas assez, François. Lave tes lunettes. Arrête de mettre tes doigts dedans. Là. Ouais, j'aime ça mettre mes doigts. Voilà, à des places. À des places bizarres. Ouais. Où t'as pas le droit. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, Mathieu. Hey, François, c'est mon moment préféré. Maman, c'est fini. Non, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. C'est mon quiz. Mon quiz. Écoutons la don, la chanson. Oh. Écoutons la dernière chanson, François, c'est l'endroit dans l'émission où je te propose d'écouter trois pièces, d'accord, qui ont un lien ensemble. Il faut que je trouve le lien. C'est ça, je te dis pas c'est quoi, je te dis pas les pièces, parce que d'habitude t'écris les pièces à la petite feuille, là, mais là je peux pas te donner parce que tu vas comprendre le lien. Mais tu peux même pas me dire le titre. Ben je peux te dire le titre de la première chanson. Ok, vas-y. D'accord. Je te dirais qu'on va commencer en écoutant la formation Stars avec Bitches in Tokyo. Écoutons la don, la chanson. You can ride my place out of the life you made, and all the things that matter when you knew my face. Cross off all the ways I failed you, 'cause I failed you, but I'm still in your blood, you're still in my blood. Sleep at night. Forgive this like a blanket that you want to forget, but you still crumble at my name. You still crumble at my name. We'll be right back. Notre bloc, écoutons la don, la chanson pour aujourd'hui. François, première théorie, qu'est-ce qui regroupe ces trois pièces qu'on vient d'entendre? Écoute, on a entendu premièrement Bitches in Tokyo, The ouais. Stars. C'est vrai, c'est vrai. OK. On a donc, tu disais peut-être les pays, peut-être Tokyo. Mais les places, peut-être Tokyo, ouais. Parce que je sais qu'en fait, il y a un groupe qui s'appelle Tokyo Police Club. Et que je l'adore. Ouais, donc... c'est ça, exactement. Ouais. Donc, j'ai fait un lien, je me dis, c'est peut-être Tokyo, c'est peut-être une place. Après ça, on a entendu le groupe Metal Guru, ouais. Qui a pas trop rapport, avec la pièce Jupiter. Donc là, Jupiter, Stars et Galaxy, le groupe Galaxy, la troisième pièce du bloc, m'a convaincu que c'était les autos. Les autos. T'es un génie, François. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Non, non, mais c'est ça, c'est ben, l'espace, là, en fait, la galaxie. Ben voilà. Les planètes. J'étais là, je cherchais sur Internet un petit peu l'astronomie pour les débutants, parce que je suis très clairement un débutant. Moi non plus, astronomie, je suis pas fort, tu sais. Qu'est-ce qui va dans quel ordre? Qu'est-ce qui est plus gros que quoi, tu sais? C'était quoi, donc? Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Ouais. Ça, c'est les planètes, mais faut t'enlever le P parce qu'il n'y a plus Pluton, là, c'est comme... Non, c'est ça. Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle... Sur une nouvelle, tu m'as jeté sur une nouvelle. Sur une nouvelle. Je vais lancer sur Yahoo News en français. Donc, c'est ça, les étoiles, les objets les plus nombreux qu'on puisse voir à l'œil nu lorsqu'on regarde le ciel. Oh oui. Ensuite, bon, le soleil, les constellations du zodiaque, les planètes. Vu de la Terre, ces objets paraissent à peu près comme les étoiles, mais en réalité, ce sont des objets totalement différents. Ce sont des corps célestes. Là, il y a un paquet d'autres affaires et on a fini avec, finalement, les galaxies, qui sont des éléments beaucoup plus grands que notre système solaire. Système solaire étant tout ce qui tourne autour du soleil. Ouais. Ce qui est donc plus petit qu'une galaxie. C'est bien. On a appris des choses en plus, là. Ben oui, certainement. Bon, c'est ça. Un beau petit bloc. Écoutons la don la chanson. Ça en fera une autre fois. Pour l'instant, pour te faire plaisir, d'habitude... Ah, c'est vrai, il faut que je te donne un cadeau après avoir gagné. S'il te plaît. Et je me disais... Hey, puis... ouais, comme ça, la semaine passée, ouais. mes petites framboises... Hey, c'est vrai. J'ai okay. Jamais eu. De bord, OK. Premièrement, le 2 piastres d'hier, parce que je t'avais dit... Ouais, tu te sens cheap, là? Faut s'en revoler sur le micro. Tu te sens cheap, hein, ben... parce qu'hier, on t'a écœuré un peu avec ça. Hier, OK, je vous explique. Hier, au arrivé au parc commun, François avait oublié sa vignette de stationnement, fait que j'ai payé le 2 piastres le pour cheapo, le... Le cheapos, Mathieu Plante. Pour le billet. Mais là, il m'a dit, je vais te le remettre. M'a pas payé, m'a prêté. Non, j'ai donné. Là, il m'a dit, je vais te le remettre. J'ai dit, non, oublie ça. Après ça, plus tard, 2-3 fois dans la journée, il me dit, je vais te le remettre. Je dis, non, oublie ça, laisse faire. Puis à un moment donné, devant public, devant d'autres collègues, il me dit, tiens, ton 2 piastres, puis je le prends. Je me suis dit, je suis allé de me chicaner avec toi. Ouais, j'ai eu l'air cheap parce que je voulais le reprendre, mais j'ai jamais voulu le reprendre. T'sais. Donc, je te le redonne. Mais tu l'as repris avec la main comme ça et vite, il l'a mis dans ses poches. Mais là, ça faisait assez de fois, là, j'étais tanné. OK, donc, en tout cas, je te redonne ton 2 piastres. Ah non, okay? Hey, Mathieu, et après ça, je te donne 1 piastre. Attention, là, je te le tire comme il faut. Une piastre pour des jujubes, OK? C'est bon. 1 piastre, OK. Tabarouette, hein? On va faire de l'argent avec toi le jeudi. C'est ça. C'est tout ce que j'ai. Wow! Eh bien, écoute, Mathieu, je te donne 1 piastre et on va entendre The Robo Crows. OK, parfait. The Robo Crows. Attends un peu, je te relance. Fais attention à ton ordinateur. Ça va mal. Hey, Colin. Hey, moi, la profondeur 3D, hein? Hein? C'est arrivé sur mon... Ouais, c'est ça. Sur mon Mario Bros. Ouais. Qui est en forme ce matin, ça, tu t'as passé. Il est en forme dans mes jeans. En tout cas. Ah non, ton chandail. Ah, excuse-moi, mon. Ah, c'est vrai, je porte un chandail de Mario Bros. J'avais oublié. J'appelle mon. Non, c'est correct. Mon Mario Bros. Ok. Tu. The Hurlbull Crows avec la pièce Behold the Hurricane au 89.1 FM, c'est fou. Ah, c'est vrai, j'ai remis ma pièce dans ma poche, j'aurais dû te dire t'es non. T'es cheap, non. On a encore une preuve, là. Ah, il y en a tellement. Cheapos. Le temps assemblage requis. This house creaking. I'm familiar with the cold and the windows and the doors and the sound of my heart beating, beating in and out of time. And it's such a shame. I heard the wind say this morning. Season. You remember me, my lover.

sur l'album Dans la gueule des jours à Assemblage Rocky. C'est la fin de la première heure, François. Déjà. Oh, déjà, presque la semaine terminée, là, presque. Ouais, c'est ça, il nous reste une heure, en fait, d'Assemblage Rocky avant que la semaine se termine pour nous. Mais ça va être une très bonne heure. Oui, exactement. On va recevoir Simon Fitzbert avec sa chronique Phénomène. Oui, il va nous parler de l'industrie de disques américaine. Et aussi, d'ici la fin de l'émission, la chronique, ça existe, mais ça devrait pas, on l'a. On va régler vos problèmes, nous autres. Là, on est comme des. Ce que vous n'avez pas encore. Non, mais... on va vous créer des problèmes et ensuite les régler. Bon, ouais. C'est un peu ça, finalement. Mais pour l'instant, l'info qu'on peut se rester là. Vous êtes assez fou pour m'écouter. 2e heure d'Assemblage Rocky en ce jeudi 20 octobre 2011. Il est 8h01 et moi c'est Mathieu Plante. Lui c'est Mathieu Plante. Et lui c'est François-Olivier Marchand, mettons. Et moi j'aimerais donc être François-Olivier Marchand. Ah Mathieu, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Sûrement bien des affaires, bien le fun. Ouais, peut-être. Je suis un petit peu strict, hein. Ouais. Hier tu disais que je te baïonnais, que je te menottais. Hier j'ai dit ça? Ouais. Hier, avant-hier? Cette semaine en tout cas. Dans mon auto? Non, dans, à la radio. À la radio. Ce sera dans les meilleurs moments, peut-être, de l'instant classique. Je vais essayer de tendre l'oreille. Ah, c'est vrai, on dit rarement à Assemblage Rocky qu'il y a une chronique, un instant classique dans les palmarès. C'est fou, on diffuse les moments les plus cocasses de toute la semaine à Assemblage Rocky. On diffuse ça, mais dans les palmarès, c'est fou à la place. Ouais. C'est le jeudi après-midi entre 14h et 17h. Ça dure comme genre 4-5 minutes, là, puis les meilleurs moments d'Assemblage Rocky. Dans votre face. Dans votre face. Dans quelques secondes, en fait, on va profiter du fait que François André n'est pas là et que Simon Fitzbé va arriver en retard pour faire une minuscule connexion, c'est un fait, parce que hier, j'en ai pas fait et puis je commence à accumuler trop d'affaires, mais ça va prendre genre même pas 3 minutes. Pour l'instant, on écoute Wilco. Okay. Avec I Might. Oh. Ça va être une rafale comme des cookies du lundi, à peu près. T'aimes ça les cookies du lundi? Ben oui. C'est comme les cookies du jeudi. Qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas les cookies? Espèce de Quickie Monster. Quickie Monster. Ça pointe. Some guys have everything. I Might de Wilco sur l'album The Whole Love. Tu peux compléter quand tu veux. On aime ça. Oui, hey François. Mathieu. Vu que Simon va arriver un petit peu plus tard aujourd'hui, que François n'est pas là. Okay. Exact. Un petit c'est un fait. On a du temps. Un petit peu, mais une courte c'est un fait. C'est comme les quickies. Là. Parfait. Si j'y pense, là, je pourrais faire une version accélérée du thème de c'est un fait pour les versions quickies. Ça peut être pas pire. Commençons par les chevaux ne peuvent pas vomir. J'ai déjà entendu ça. C'est vrai? Ouais. Moi, je savais pas ça. Je viens d'apprendre ça. Ah, c'est spécial quand même. Ben oui, c'est comme ça. Sinon, c'est la journée, ben pas aujourd'hui, mais il y a deux jours, le 18 octobre, c'était la journée de l'Alaska, l'Alaska Day. Donc, ce jour-là, le 18 octobre en 1867, les États-Unis ont pris la possession de l'Alaska qui a été achetée de la Russie pour 7,2 millions de dollars. OK. Mm-hmm. Sais-tu ce qu'est un cataglottisme? Cataglottisme. Non, il y a le mot glottis. Ah, OK. Ça voudrait dire... Ben, quelque chose de gothique. Mais un chat gothique, un chat qui se déguise en gothique puis qui se porte du vernis noir sur ses petits ongles de chat. Peut-être. Mettons que c'est ça. Non, c'est le mot technique pour un baiser French kiss. Baiser à la française. Yeah, j'étais loin. Un cataglottisme. Ben, c'est les catacoustiques, c'est-tu ce que c'est? Non. Ce serait quoi, mettons? L'étude des miaulements de chat, mettons? Non, je sais pas. Les cataacoustiques, c'est l'étude des échos. Ben oui. C'est logique. C'est tout à fait logique. Le bonhomme Michelin a un nom. Oh. Oui, il s'appelle Bibendum. Bibendum? Bibendum, B-I-B-E-N-D-U-M. Bibendum. Bibendum, il y a pas une chanson qui fait ça, quelque chose? Okay. Le bonhomme Michelin existe depuis 1898. Il est plus vieux qu'on le pense, Bibendum. C'est un beau bonhomme. C'est fait quel âge, ça? T'as pas 98, ça veut dire 10 ans, ça veut dire 13 ans? Il y aurait 113 ans. Pas 1898. Ah, 1800! OK. Excuse-moi, il fallait que je parle comme une personne d'âge avancé qui dit 1898. Hein. 1800. Dans le temps que tout le monde disait ça. On avait déjà parlé du fait que les pneus n'étaient pas noirs avant 1912. Avant, c'était comme un genre de blanc. Ouais, mais les flamblés. Les flamblés. C'est ça. Sonic the Hedgehog, tu connais Sonic the Hedgehog, le personnage de dessin animé de jeux vidéo? Sonic, ben, aussi de dessin animé, mais de jeux vidéo. Sonic, là, évidemment, ouais. Sur la Genesis, entre autres. À l'origine, c'était pas supposé être un porc-épic, parce que Hedgehog, ça veut dire porc-épic, ça, tu savais ça? Non. Hedgehog, c'est un porc-épic, je te l'apprends, voilà. Okay, merci. C'était supposé être un armadillo, qu'on appelle en anglais. En français, un armadillo, c'est un tatou. Tu sais, le tatou, là. OK. Tu sais, avec une carapace, genre, ouais. Tu pourrais sûrement rentrer sur l'image. C'est petit, ça, je pense. C'est tout petit, ça a l'air tout petit, en tout cas, dans les photos. Je pourrais pas dire si c'est petit. Je sais pas. Eh ben. Et un dernier, lors de cette date, le 18 octobre en 1985, qu'est-ce qui s'est passé le 18 octobre 1985, François, et qui pourrait me toucher, qui peut-être, si j'avais pu prévoir, porter ce chandail ce jour-là? La naissance de Mario? La naissance de la NES, donc la naissance du premier jeu de Mario en même temps. C'était le Nintendo Entertainment System, le premier jeu avec Mario comme personnage qui s'appelait Mario. Là. Il y avait eu d'autres jeux avant. Bref, Nintendo Entertainment System est arrivé aux États-Unis. Et moi, ça me rappelle tellement des bons souvenirs, comme par exemple le Super Mario Brothers Super Show. Et comme tu te fais te faire plomber, héros pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Super Mario Bros. Ça là, wow. Ça là, c'est à cause des Français qu'on appelle ça Mario Bros, on dirait. Parce que sérieux, Mario Bros. C'est pas un mot, Bros. C'était pour Brother. Brothers, ouais. Exactement, les frères Mario. C'est comme quand des gens disent, ils vont dire, mettons, moi et si. Le magazine Moi et si, tu sais. C'est Moi et compagnie. Là. Ouais, Moi et compagnie. Hey, mais ça. Ça, on pourrait faire il y a tout le temps de quoi, là. Ouais, on pourrait, hein. Ça m'énerve, là. Ça t'énerve? Non, OK. On n'a pas le choix. Faut qu'on, un mini tout le temps de quoi, OK? Juste un minuscule. Je sais que ça va prendre 3 secondes. Ouais, juste... J'ai pas grand-chose à dire, c'est un peu ça. Faut juste me dire d'accord. Tout le temps l'intro. Pas puis quand on a un petit chiolage à faire, okay. Je pourrais faire un intro rapide okay. Aussi de ça. Ok. Allons-y, ok? Sérieusement, les abréviations, il y en a tellement dans la vie, ok? Mais les gens sont pas au courant de ce qu'ils veulent dire. Fait que pourquoi qu'ils écrivent pas le mot au complet à la place, mettons, des compagnies? Ah non. Non, ça, il y a ça. Mais moi, en fait, je m'alignais pas vers ça. Non? Je m'alignais vers Patricia Paquin, s'il vous plaît. Arrête! On sait que c'est ta revue, c'est oui. toujours sa face, ça. Mais elle fait ça comme m'énerve. Oprah aussi, elle fait m'énerve. Ça. M'énerve. Les c'est, deux, hein? C'est très prétentieux. Vraiment? C'est comme, de mauvais goût. Ça va être quoi votre prochaine couverture? Ben, ça va être moi en train de brasser du spaghetti. Ça va être moi avec ma meilleure amie. Ça va être moi sur une table à cuisine. Ça va être moi là sur le patio. C'est hallucinant. Au début, vois-tu, tu sais, c'est un artiste. Comme un autre. Là, oui, en fait. Comme, en effet, très comme un autre. Alors, rien de particulier. Non, non, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et là, je trouve tellement qu'elle a de l'air. Elle a de l'air folle. Excuse-moi. Ben, tout à fait. Elle m'énerve. Elle m'énerve. Je suis pas capable. Ouais. Je suis désolé. Ça, c'est... Vas-y. T'as raison, mais tous les magazines qui ont juste une personnalité sur la couverture, à un moment donné. Pourquoi faire ça? C'est quoi? C'est ça qui va vendre pourquoi? Votre magazine? Pourquoi un magazine? Ouvre-toi un. Si t'es si important avec ça, là, ouais. Ouvre-toi un site web, là. Prends-toi une photo à tous les Genre. Jours, là. Et les gens qui voudront le voir, ils iront le voir. Mais moi, mettons, quand je vais faire mon épicerie, je la vois tout le temps. Ça m'énerve! Ouais, sérieux, je capote. Puis à chaque fois, écoute, tu pourras en parler à ma copine. Elle sait. Elle l'achète? Non. Non? Non, non. Parce que tu y interdis, si hein? Si seulement. Non, non, mais. De toute façon, je pense pas que ça l'intéresse. Mais à chaque fois, je l'avoue, là, je pète un plomb. C'est plus fort qu'à moi. Depuis que je sais que la revue lui appartient et que c'est toujours elle, c'est toujours... Oh! Right! Caroline, François! Je sais pas pourquoi ça me fait si... Ouais. Est-ce que t'as vu la Oprah s'est ouvert une chaîne de télé? Ouais, une chaîne de télé. J'ai vu, j'ai pas écouté. Par exemple, je la pogne pas. Non, mais je m'adonnais à l'avoir par un genre de démo gratuit. Là, okay. Mais non, c'est ça. Il y a plein d'émissions avec elle en vedette. T'sais. Ah. Mais autour de ça, au moins, t'as d'autres affaires. T'sais. Mais Oprah, je sais pas. Oprah, elle a une certaine popularité, contrairement à Patricia Paquin. Si Patricia Paquin avait Patricia Paquin TV, Pipi TV. Ah non, Pipi TV. Hey, mon Dieu. Hein. On serait peut-être ça serait beau. Je pense que tu. Non, mais tu sais, Oprah, elle a comme, tu sais. Un poids. Ouais. Ouais. Ouais. Excuse-moi. Non, mais tu sais, pour les Américains, c'est comme. C'est quasiment Barack Obama, tu sais. Ouais, c'est ça. T'as Oprah et ensuite, t'as Barack Obama. Elle est importante. Ouais. Le fait, écoute, je connais pas non plus sa vie, là. Je rentrerai pas dans les détails, mais Patricia Paquin, à part Chambre-en-Ville. 0340, faut pas oublier ça. Oh, c'est vrai. Ça, puis les. C'est vrai. Je retire toutes mes paroles. Hey! Elle met des émissions de 3 minutes entre les autres émissions. Oh mon Dieu! Au moins, elle partait pas sous des chroniques sans vraiment avoir averti à l'avance. Ouais. Ouais. Oh. Ah, mais ça fait du bien. Bon, mais tant mieux. C'est pour ça. Une chance que je t'ai mis le thème, sinon t'aurais pas chialé. Ben, c'est le thème qui fait chialer. Là. Ouais. Le thème, là, c'est quand il fait toujours trop frais, il fait toujours trop chaud. Là. Ça te fait chialer. Quoi qu'il marche pas. Quelque chose marche pas. Bon, c'est dit. Ça fait du bien. Ah oh, ouais. Good. Simon Fitbit s'en vient tantôt avec sa chronique Phénomène. Il nous parle de l'industrie du disque américaine, ce qu'on appelle la Recording Industry Association of World Wrestling Federation. La World Wrestling Federation. Saint-Martin, on parle de lutte. Yes! Demain avec Simon Fitbit. Ah ouais, Simon, arrive. Il pourrait sûrement faire quelque chose là-dessus. Il fait quelque chose sur n'importe quoi. Lui, il prend je sais pas si un amateur de lutte. De toilette, puis il fait quoi avec? Hein? Excuse-moi. Ok, hey, Mathieu, je te lance un défi. Oui. Ok, on va essayer. Ok. Ok, faire parler de lutte. Ok. Dans sa chronique là. Dans sa chronique. Bon, quoi, tu vas la mettre sur le sujet, genre. Faut pas qu'il soit au courant. Par là-bas, ok. Non, mais je sais pas, faut que tu m'aides. Ok, je vais. On va tenter. Ok. Un petit défi comme ça. Parfait. Crime, tu m'en demandes une bonne, hein. Ouais. Moi, les termes de lutte, hein. Mais ouais, mais là, tu vas faire plein de jeux de mots avec la lutte. C'est ça, ouais, ok. Ça, parfait, j'aime ça. Des jeux de mots, Le coup de la corde à linge, écoute, je pourrais te dire un paquet de termes. Fais-moi ça une liste, ok, parfait. Pour l'instant, on écoute Reine de France. On va écouter un nouvel extrait parce qu'on est habitué d'entendre Toxic Tuxedo pas mal souvent ici. Assez fou parce que c'est sur le palmarès. On va écouter Chant de Mars sur leur Maxi 2, un été à l'ère de la révolte. C'est l'assemblage requis sur C'est fou. Feist et The Bad in Each Other sur l'album Metals, Assemblage Requis, que c'est donc bon. Est-ce que c'était bon, Mathieu? C'était bon. C'était très bon. Ouais. Bon comme... Comme un match de lutte. Oh! Match de lutte dans le coin droit, Simon Fitzbé. Oui, dans le coin gauche, son Mathieu Plante, c'est ça? Puis, son Mathieu Plante. Son Mathieu Plante. Et puis l'arbitre, ouais. François-Louis Marchand. Ouais. Ding, ding, ding. Ding, ding, ding. Phénomène. Salut Simon. Bonjour messieurs. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Oh, parfait. Ouais. Super, t'as préparé tes gants. Ça c'était la boxe, hein, les gants. Ouais. À la lutte. La lutte, c'est la botte, le speedo et le masque. Les chaises. Les tables. Ouais. Mm-hmm. Les nachos. Tu parlais de nachos. Ah non, c'était Macho Man. Ah ouais. Macho Man, Randy Savage. Ok, Macho Man. Lui, parle de nous. Ah ouais. Il y a beaucoup de lutteurs qui parlaient de même aussi. Ouais, c'est vrai. C'est ça, t'as Macho Man, puis de l'autre côté, t'as la toune des gars de YMCA, là, Macho Man. Ah, ah oui, c'est vrai. Je pense qu'il aurait pu toutes les renverser. Sûrement, facilement. Il est très macho. Ouais. Donc, Simon qui nous arrive aujourd'hui habillé de son habit de lutteur, là, bien sophistiqué. Là. T'as l'air classe avec ça. Ouh. Ça serait quoi mon nom de lutteur? Ouais. Je sais pas, hein. Fitz masqué. Le Fitzmasqué. Donc aujourd'hui, tu nous parles de quoi, Simon, dans ta chronique Phénomène? Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, la Recording Industry Association of America. Oui, excuse-moi. La RIAA, la Recording... C'est pas simple. Non, mais c'est ça, c'est la Recording Industry Association of America, ou en français, on pourrait dire aussi la ARIA. ARIA! L'Association des records industriels américains. Ah oui. Ben, la traduction serait encore plus longue en ouais. français, donc on va garder ça comme ça. Disons l'industrie américaine du disque, hein? Oui, c'est ouais. ça. On peut dire ça en gros parce que, bon, l'industrie américaine du disque, c'est environ... ils disent qu'il regroupe 85% de tout ce qui est enregistré légitimement aux États-Unis. Donc, on parle de toutes les grandes maisons de disques majeures et également les manufacturiers de disques, CD, cassettes dans le temps et tout. Également les magasins de disques, donc beaucoup qui sont sous cette bannière-là. C'est eux aussi, entre autres, qui donnent les disques d'or, les disques platine, les multiplatines et les diamants, selon le nombre de ventes vendues, ou sont leurs amis. Ça va être un peu éditorial. Ah ouais, vous merci, ouais. Sans blague. Ouais, parce que j'ai une dent contre la RIAA. Ouais. Comme tout le monde, j'espère. En tout cas, j'espère que les gens ont quelque chose contre eux autres, au moins un petit peu. Oui, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, toutes les informations que je vais vous donner aujourd'hui viennent de leur site RIAA. Et c'est pour les étudiants qui veulent faire des travaux. Il y a une section qui s'appelle « For Student Doing Reports » ou pour les étudiants qui font des rapports. je viens de vous expliquer ce qui était la première question posée par un internaute avide d'informations. Oui. Donc, qu'est-ce que la RIAA et qu'est-ce que ça représente? Maintenant, on dit que par la suite, on demande qu'est-ce que la RIAA pense de la piraterie en ligne, oui. C'est-à-dire donc des albums et des pièces piratées. Moi aussi, j'aime ça dire piraterie, je trouve ça drôle. Ouais, c'est plus que piratage. C'est plus hot, tu sais. Ouais. On a l'impression d'être un corsaire. Ouais. On dit que, bien sûr, les gens de la RIAA sont contre le piratage puisque ça coûte énormément d'argent à l'industrie de la musique, ces téléchargements illégaux. Ils disent, bien sûr, vous dites que télécharger une pièce, c'est pas un crime sérieux, mais imaginez l'impact lorsque vous mettez cette pièce sur Internet et que des millions de personnes peuvent la télécharger. Oui, des millions de gens qui auraient jamais acheté l'album en vrai, là, qui auraient juste pas donné d'argent à l'industrie de la musique, mais bon. Exactement. Pas grave. C'est bon, enfin. Mais bon. Et on dit donc vraiment, c'est quoi qui cause ce problème-là le plus en fait? Et on dit depuis plus de 10 ans en fait, les sites de peer-to-peer sharing. Partage de fichiers. De personne à personne. De père en père. Oui. De père en fils. Ça, c'est des torrents. Entre autres, mais pas juste ça. Torrent également, Napster à l'époque qui était ça aussi. Tous les sites qui permettent à deux ordinateurs de se connecter entre eux et de s'échanger d'informations. Mm-hmm. C'est considéré comme du peer-to-peer. Et donc, on dit entre autres que Napster a émergé en 1999 et à cette époque-là, les ventes de disques avaient baissé de 47% de 14,6 milliards plutôt à 7,7 milliards de dollars de vente. Ouais. De 2004 à 2009 seulement, il y a eu 30 milliards, dis-je, de chansons qui ont été téléchargées illégalement. Et qu'on dit que 37% de la musique achetée, plutôt qui a été procurée, qui s'est fait procurer. Hein? Je suis donc dont les gens, 37% de la musique dont les gens se sont procurés aux États-Unis était seulement a été payée. Donc seulement 37% de ça. Donc c'est les chiffres qui sortent. Et on dit, ils disent également que la musique, l'industrie de la musique a perdu environ 12,5 milliards de dollars chaque année, c'est-à-dire environ 71 000 60 jobs, dans le fond, sont perdus à cause de ça. 2,7 milliards de travailleurs, donc de c'est-à-dire de paye aux employés, sont perdus. 422 millions en revenus. C'est des beaux chiffres. De taxes, ouais. Ouais, c'est ça, des beaux chiffres, des gros chiffres également. On dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais est-ce que c'est vraiment la faute du téléchargement ou est-ce que c'est la faute des compagnies de disques qui chargeaient beaucoup, beaucoup trop cher pour les disques? Mais en tout cas, eux, ils disent que c'est pas de leur faute. Non, c'est la piraterie. Oui, exactement. C'est juste le piratage. Ouais. Et c'est drôle parce qu'on n'explique pas longtemps qui sont membres de la RIAA et tout, mais on insiste beaucoup sur l'argent qu'on perd à cause des pirates. Ça convainc plus de monde, ça. Oui, oui, exactement. Et on dit maintenant, ça c'est quand même assez cool en fait, on parle du programme de poursuite qu'il y a eu. Oui, il faut faire peur aux gens aussi, oui. Oui, exactement. Mais en fait, eux autres, ils disent pas ça comme ça. Non. Dans les dernières années, c'est que la RIAA a poursuivi beaucoup de gens pour piratage, justement, pour des pièces qui ont été mises sur Internet. Et on parle bien souvent d'une trentaine de tonnes, pas un million. Et donc, ils poursuivaient pour quand même des gros montants. Ils disent sur leur site Internet que c'était pour éduquer les fans à propos de la loi et que le piratage est illégal. Donc, ils faisaient pas ça nécessairement pour récupérer de l'argent et pour faire chier les gens. C'était pas éduquer la population. Ça s'est juste adonné qu'ils sont tombés sur des mères monoparentales handicapées avec un cancer terminal qui a partagé que son neveu est venu réparer son ordi pour télécharger 10 chansons. Oui, c'est ça. Et il poursuivait pour à peu près 150 000 $, 1 million. C'est incroyable. Et il accepte 5 000. Ah! Il accepte 5 000 hors cours, genre. OK. C'est une question d'être réaliste. Oui. Ah, ils sont très, très fins. Ouais. Et donc, on dit que depuis 2003, en fait, on a passé de 35% des gens qui téléchargent à 70%. Entre 2003 et 2004, il y a eu de plus en plus de piratage qui a été fait. C'est là que ça a vraiment doublé en vitesse. Et on dit aussi que c'est pas nécessairement le public et les fans qui sont visés par ces poursuites, mais également les fournisseurs Internet qui, eux, dans le fond, font de l'argent avec le piratage puisque les gens augmentent leur limite de téléchargement pour pouvoir aller chercher plus de pièces. On dit aussi la RIAA avant envoyait des lettres pour aux gens fautifs, dans le fond, pour leur dire « on va vous poursuivre si vous continuez à télécharger de la musique ». Maintenant, ils ont arrêté de le faire. Ah! Oui. Ils disent qu'en fait, ça vaut pas la peine. Ils se sont rendus compte que les gens vont télécharger quand même. Félicitations. Vraiment. Ouais. Ils parlent également aussi des universités et du piratage qui peut se faire à l'université, c'est-à-dire les étudiants qui habitent sur le campus et qui téléchargent la musique. Ils disent que... il y a beaucoup d'informations. En fait, ils envoient souvent des lettres aux universités pour leur demander d'arrêter de pirater. Mais ici, à l'université, c'est bloqué. Le BitTorrent est bloqué partout. Sauf dans les locaux de l'AGE. Mais c'est bloqué pas mal partout à l'université, non? Non? Oui, je crois que oui. Mais si tu as un routeur, tu peux passer outre. Bypasser, mettons, passer outre, j'aime ça. Oui, je pense que c'est quand même assez facile. Mais oui, effectivement, c'est bloqué. Et dans plusieurs universités également. Je peux te dire qu'il y a quelques années, tu pouvais encore aller sur des forums et découvrir comment contrecarrer les mesures de sécurité de ton université. Surtout aux États-Unis, c'est très répandu parce que c'était très basique. Et c'est justement, d'ailleurs, la RIAA demande en fait aux universités d'augmenter leur sécurité, mais également d'augmenter les punitions aux étudiants qui sont pris pour piratage. Je veux dire, sérieusement, fais donc ça chez vous, bâtard. Ouais. Sérieusement, non, mais sérieux. Oh, ouais. Tu vas faire ça à l'université, Torrent, t'es chargé de la porn. Non, mais fais ça chez vous. Là. Non, mais ceux qui restent dans les résidences. Ouais, c'est ouais, ceux qui habitent dans les résidences, c'est chez eux. Mais en fait, ils ont tellement pas de grosses limites de téléchargement qu'ils sont mieux de pas l'utiliser. Ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, moi, je fais juste mes updates d'ordinateur là. Parce que des ça fois, va vite, hein? Ouais, quand l'IN, t'as 1.4G qui est téléchargé, ça se fait en 5 minutes. Ouais. C'est assez cool. C'est génial. Ouais. Ouais. Mais bref. Vive l'université! Yeah! Oui! mais donc eux, c'est sûr qu'ils agissent seulement aux États-Unis, ouais. Mais ils disent qu'ils envoient des lettres sur les campus et que bien souvent, ces lettres-là sont réenvoyées aux étudiants via courriel. Il y a même des universités qui prennent leurs propres mesures. Et là, ils sont très contents de ça. Ouais. Et ils disent justement, les étudiants d'université sont les plus grands fans de musique. C'est parfait, ouais. Mais faut qu'ils payent, par contre. C'est ce qu'ils disent en gros. En fait, on pourrait résumer ça en quelques secondes en disant « Payez vos disques, payez, arrêtez pas de payer. » Et donc, ils disent également sur ce site-là quelque chose d'assez intéressant. Ils disent on a mis tous nos efforts pour pouvoir offrir différents formats de musique, trop tard, et sur différentes plateformes, trop tard. Et on a aussi licencié des centaines et des centaines de revendeurs de musique en ligne, trop tard. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ça, le trop tard, c'est ajouté, hein, j'imagine que vous l'avez remarqué. C'était pas sur le site de la RIA, ça? Non, c'était pas sur le site de la RIA. T'sais, ils ont commencé à créditer des gens. Bon, on sait qu'iTunes Store, ça fait quand même un petit bout que ça existe, ouais. 2003 que ça a été créé. D'autres sites également de vente de MP3 aussi. Amazon, entre autres. Et... Mais le mal était déjà fait, là, on s'entend. Il y a des artistes qui mettaient leur stock en ligne avant même que le gros scandale de Napster débute. David Bowie, je pense, en 97, il a mis tout l'ensemble de sa discographie en ligne à vendre pour... En format real audio buffering, j'imagine. Ouais, ça devait pas être super débile. J'espère que les gens n'ont pas acheté ça. Mais bref, il y avait quand même des gens dans l'industrie de la musique qui étaient... Avant-gardiste. Et Avant-gardiste! Hey, le nom de ta nouvelle émission l'année prochaine. Ouais, L'Avant-gardiste. Il y a une compagnie de disques qui s'appelle comme ça au Québec. Ah, dommage. Ouais, c'est... Ah, c'était beau, mon Dieu. Oui, ah oui. T'as raté ta chance. Super. Mais... Et donc, voilà, ils n'ont pas été très, très en avant de leur temps, la RIA, pendant plusieurs années, puisqu'ils nous ont rentré dans la gorge des CD poches à des prix incroyablement chers. Aïe, aïe, aïe. Ils sont serrés dans le pied tellement eux-mêmes. Oui, pendant plusieurs années. C'est ça qui est assez incroyable. Et ils n'ont pas respecté les vrais fans de musique en lançant des produits rapides de consommation qui vont vendre peut-être plus qu'un disque d'un groupe indie ou je sais pas. Quelque chose qui plairait plus aux vrais fans de musique. Il est mieux sortir la crap qui se vend plus facilement, mais où il n'y aura aucun suivi. C'est-à-dire que l'artiste va sortir 2 ou 3 albums, d'attir, et il vend ça à 25-30$. Ouais. Il y a des temps... moi, quand je suis plus jeune, les CD coûtaient environ 22 à 25$. C'est ridicule, c'est le prix d'un DVD, sérieusement. Et t'as travaillé aussi dans une boutique? Oui, je travaillais dans une boutique de disques qui n'existe plus maintenant. La compagnie a fait faillite. Donc, on peut la nommer? Oui, on peut la nommer, mais en même temps, c'est... Ouais. Non, c'est un peu... Ben, ouais. Ouais. Mais je travaillais dans un magasin de disques qui avait la réputation, en plus, pour vendre ses disques chers. On avait un très bon service, on avait de très bons albums, mais il était cher, en magasin. Ouais. Mais oui, donc c'était la belle époque où on s'en mettait encore dans les poches. Il y a la RIAA, mais aussi son pendant québécois, la Disque aussi. Ouais. Hein, mais je bâcherai pas trop sur la Disque parce que... Ils nous écoutent, non? Ouais, ben, ils ont la poursuite facile, eux aussi. Hein, mais ils ont pas commencé à poursuivre les gens encore pour ça. Pour le piratage. Ça s'en vient. On est toujours en retard au Québec. Hein? Oui, probablement. Et donc, on dit aussi, on leur demande, c'est toujours dans la question, dans les sur questions d'adolescents, Waria, ils demandent, est-ce que c'est différent de télécharger de la musique et de copier un CD? Qu'est-ce qu'il y a de différent, ça? Ils disent, mais il n'y a aucune différence. Aucune. Et surtout, lorsque vous prenez le CD pour faire un MP3 et que vous allez ensuite le mettre sur Internet où des millions de gens vont le télécharger. Et on l'enfasse facile. Hein, Tous les mots sont soulignés, puis tout écrit en majuscule. Non? On dirait ça. Oui, exactement. C'est la même chose! et donc, bref, c'est un peu, ça fait le tour, en fait, de la section poser des questions à la RIA, qui est très intéressante. Je vous invite à aller visiter. C'est la section, c'est pas la section la RIA invente des questions à se poser à elle-même? Dans le genre, ouais, exactement. C'est, donc, vous allez sur www.riaa.com-faq.php. Good. Tu tirais comme en diagonale. Tu tirais sur le côté, c'est comme une barre oblique, maintenant. Ouais. C'est comme un long tiré. Ouais, un long tiré. Mais penché. Normalement, je connaîtrais le nom, mais là, j'ai pas assez dormi pour me rappeler du nom de cette barre-là. Barre oblique vers l'avant. Barre oblique vers l'avant. Ah. Tu vois? C'est ça le vrai nom? Barre oblique vers l'avant? Ben, vers l'avant comme forward slash. Là. Moi, forward, je traduis ça par vers l'avant, mais il y a peut-être un vrai mot. Non, mais je pense que c'est ça. Un slash forward, forward. Écoute, avant de terminer avec toute cette chronique-là, ouais. Simplement faire un petit. Justement, parler un peu de leur super poursuite qu'ils ont fait. Au Canada, on est encore... Merci. On est encore à l'abri de ça. OK. Mais pas pendant très, très longtemps, selon moi. Puisque dernièrement, en fait, dans les derniers mois, la Cour... le gouvernement, en fait, a accepté une requête d'une compagnie de distribution de DVD qui demandait avoir des adresses IP d'un film qui s'appelait The Hurt Locker ou Des mineurs en français. Oui. Qui ont été téléchargés via BitTorrent. Ils ont demandé aux grands fournisseurs d'accès Internet, donc Cogeco, Vidéotron, Rogers, etc. De retrouver. Ils ont tous accepté les IP. Et ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas eu le choix. C'est ça, ils ne voulaient pas, eux autres. Ouais. Ils ne veulent toujours pas parce que ça, également, ça attache leur... Dans le sens où quand t'es client de Vidéotron et tu te fais pogner, j'imagine que t'as comme moins de goût de... Effectivement, mais si on veut aussi taxer les distributeurs d'Internet selon le piratage qui est fait, ben ça pourrait être une raison pour eux, justement, pour les autochtones, les taxer. Donc, ils voulaient pas nécessairement que les informations soient données. Dans le cas de la musique, ça a pas été encore fait, ça a pas été encore mis de l'avant. La RIAA, elle, a abandonné ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y aurait jamais... d'argent. Non, c'est ça, il est trop tard. Et c'est-à-dire qu'ils peuvent te poursuivre pour beaucoup, puisque aussitôt que tu l'as mis sur Internet et que tu l'as distribué avec quelqu'un, dans le fond, tu peux l'avoir donné à plein de personnes et donc tu l'as recelé. Leur terme est vrai, tu sais, quand on dit qu'on... ouais, c'est... Mais est-ce qu'on peut, en fait, juste télécharger, non? On peut télécharger légalement, c'est-à-dire d'acheter les pièces. D'acheter. Si tu les achètes pas, là, tu peux avoir des problèmes. Ouais, mais si la pièce est sur un serveur, si tu l'as téléchargée sur un site ou sur un site d'hébergement, ça, c'est techniquement pas du recel. Ben oui, parce que tu le télécharges, mais tu le revends pas à personne. Mm. Non, c'est ça exactement. Tu le remets pas sur Internet. C'est la personne qui l'a mis sur le serveur qui va être coupable de quelque chose. Tu mets sur ton disque dur et puis... tu la gardes pour toi. Oui, ça là-dessus, alors que pour ça ferait difficilement. Mais quand tu parles d'un serveur, est-ce que tu parles de les sites comme ton Mega Upload, ces trucs-là? C'est un site d'hébergement. C'est un site d'hébergement. La différence avec un torrent, ou par exemple, si tu paramètres pas ton logiciel correctement dans BitTorrent, si tu télécharges, à un moment donné, tu renvoies aussi automatiquement. Les gens peuvent lire sur ton ordinateur. Donc tu es techniquement en train de partager. Ouais, c'est ça. Et c'est là que les gens se font poursuivre, dans le fond. Mais on dit que bien souvent, ça s'entend hors cours dans ces cas-là. Mais pour ce qui est de la musique, comme on le dit, la RIAA se sont pas fait payer des millions avec ça. Là. Ils ont réussi à avoir des quelques milliers de dollars. Ouais. Et beaucoup de troubles. Oui, beaucoup de problèmes. Et on dit aussi qu'au Canada, donc on pourrait mettre une amende, disons, à 5000 $ par crime. Par chanson, peut-être, potentiellement, non? J'espère que non. Parce qu'il va y avoir beaucoup de gens ruinés et beaucoup de musiciens et outrement riches, plus riches qu'ils devraient l'être. Ça. Le problème avec BitTorrent, on revient un petit peu sur le fait que tu partages automatiquement, c'est que si tu partages pas, souvent, tu vas te faire bannir du serveur sur lequel tu télécharges tes torrents. Mm-hmm. À moins que tu payes. Tu peux payer, non? BitTorrent, pas... non, pas... Non, généralement, tu peux payer pour avoir accès à un serveur, mais tu vas aussi avoir... Mais quand tu payes, ils te remettent pas ta carte? Dans ce cas-là, peut-être. Le ratio, là, pour revenir à... En tout cas, ça devient technique dans ces cas-là, mais tout à fait, je pense que si tu payes, tu vas revenir avec le ratio comme si t'avais uploadé autant que t'avais downloadé. Mais bref. S'il y a un message à retenir de ça, achetez vos MP3 ou achetez des CD. Achetez des vinyles, c'est ça. Des vinyles, c'est encore mieux. Tout à fait. Mais sinon, c'est sur iTunes, moi, depuis plusieurs années que j'en télécharge souvent la musique sur iTunes, là, c'est pas quelque chose de difficile, ça coûte presque rien. Puis tant qu'à pirater de la musique, j'aime mieux... Pour la musique, j'aime ça. Pour les émissions de télé obscures, comme on l'a déjà dit, François et moi, c'est pas disponible sur DVD, c'est pas disponible sur Blu-ray. Et qu'ils soient pas surpris que j'ai download. Si tu t'assures. Ben, en fait, ça va être surtout la compagnie de distribution du DVD qui va te poursuivre. Mais il n'y en a pas de DVD, fait que donc. S'il n'y a pas de DVD, c'est légal de prouver qu'il n'y a pas de DVD, mais là, il n'y a pas de raison. Et voilà. Et moi aussi, je tiens à dire dire que je télécharge maintenant de plus en plus sur iTunes. C'est une bonne idée, puis c'est le fun. Et c'est que tu peux trouver plein de trucs également obscurs en musique que si tu voudrais le télécharger légalement, si le disque, si le disque est hors de presse, essaie de le trouver sur Internet, ça sera impossible. iTunes, là. Ouais. Donc c'est incroyable. Tout à fait. Et puis de toute façon, on sait qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens sur leur iPod ou n'importe quel lecteur MP3 vont surtout écouter des chansons et non pas des CD. Donc à la place de te coûter 10$ pour acheter le CD, ça va coûter juste 1$ par chanson. Ouais. C'est pas trop cher. Et là d'ailleurs, j'aimerais souligner que sur iTunes, par contre, n'achetez pas les albums. Ça coûte extrêmement cher trop pour cher. Rien, trois quarts du temps. C'est le même prix qu'un CD, mais t'as pas de pochette, t'as pas de. Vous pouvez aller chez vos maisons, chez vos marchands de disques. Maintenant, si vous achetez des CD, c'est vraiment plus très cher. Hier, j'ai acheté 5 disques de Lou Reed pour 20,99$. C'est un nouveau coffret spécial. Ouais, c'est pas cher. Les compagnies font ça maintenant. Tu peux avoir 5 albums pour 20$. Tu vois, là, ils commencent à peut-être comprendre un petit peu. Là. Il était comme un petit peu temps. Hein? Ouais, ouais. Puis ce qu'ils font des fois, c'est t'achètes des CD et t'as des bonus, comme mettons le téléchargement MP3 gratuit. Ouais, aussi, aussi. Bon, ça fait tour du sujet, Simon. On pourrait en parler tellement longtemps, mais t'as des petites suggestions musicales pour terminer ta chronique. Oui, oui. Ben, c'est des trucs que j'ai découvert récemment. En fait, lorsque je dis récemment, dans les dernières semaines, là, c'est pas cet été, mais c'est le dernier album de Girls qui s'appelle Father, Son, Holy Ghost. Et également, il y a Saint Vincent dans son album. Le nom échappe, je le recherche rapidement. Strange Mercy. Strange Mercy, voilà. Ils sont excellents les deux. On commence donc avec Girls et Honey Bunny sur l'album Father, Son, Holy Ghost. C'est ça? Oui, vous allez voir, ça ressemble aux Beach Boys. On en reparlera au pire après. Turn off the TV, wait in bed. St. Vincent avec donc Surgeon qui se retrouve sur l'album Strange Mercy qui est paru il n'y a pas si longtemps, qui est sorti en fait le 13, dans la première semaine de septembre. Okay. On va dire ça comme ça. Excellent album. Franchement, j'ai pas eu la chance de l'écouter plein de fois, mais jusqu'à date, ce que j'ai entendu, c'est extrêmement bon. Ça a l'air, oui. Ouais, c'est à découvrir. Je pense que c'est le troisième album de la formation, de la chanteuse, puisque ça, c'est un album. Donc, c'est un pseudonyme. Voilà. C'est okay. Le mot que je cherchais. Très, très bon. Et Girls avec la pièce Honey Bunny. C'est bien ça? Oui, Honey Bunny, ça sonnait beaucoup Beach Boys. Hein? Oui, Honey Bunny, donc, qui me fait beaucoup penser. Et toi aussi, Mathieu, oui. Lorsque tu l'as entendu, tu l'as dit ça. Toi aussi, François-Olivier. C'est la pièce, donc, Fun, Fun, Fun, qui a été, si on veut, pastiché. Ah, c'est voulu, là. Je pense que oui. Okay. Oui, parce que, en tout cas, si c'est pas voulu. Il y avait ça dans la tête pendant qu'il l'écrivait. Puis écoute, qu'il, non seulement les premières phrases du premier couplet, pas la première mélodie du premier couplet, également le refrain qui ressemble un petit peu au début. Ouais. Non, franchement, ça, c'est. On pourrait vraiment prendre hommage aux Beach Boys. Je dirais entre St. Vincent et Girls, je vous dirais peut-être de commencer par Girls. St. Vincent, okay. C'est un peu plus électro, c'est un peu plus. C'est très, très bon. Il y a beaucoup de couches. De musique, une par-dessus l'autre, mais Girls, c'est un peu plus musical, simplement plus rock. Accessible un petit accessible peu, ouais. Également, donc, ouais, et ça a été bien coté sur plusieurs sites et blogs internet. Pitchfork donne un 9.3, ce qui pour eux est vraiment très, très, très bon. Ouais, ils trippent eux autres. Mais l'album vaut la peine. Vous pouvez le télécharger légalement. Oui, légalement. Sur iTunes, sur leur site. Vous pouvez aussi aller en magasin et l'acheter en vinyle sur d'autres magasins en ligne. Sinon, il y a les magasins au Québec qui vendent des vinyles, mais pas à Trois-Rivières. Ben, okay. Il y en a un. Un? Oui, un. Il est au centre-ville. On sait tous de qui on parle. Oui, aussi. Oui, d'accord. Oui. Et c'est très cool d'aller là. Oui, ben ça. Merci, Simon. Merci beaucoup. Ouais, on se retrouve la semaine prochaine. C'est jeudi à 8h. 8h. Oui. Finalement. Pour une autre chronique Phénomène. Mm-hmm. Et puis, est-ce que tu restes avec nous un petit peu? Je pars qu'en double, mais je peux rester un petit peu. OK, parce que nous, on va faire ça bien rapidement parce que c'est la fin de l'émission pas mal bientôt. Ouais. C'est la chronique Ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Ça existe, mais ça devrait pas. Là, c'est la chronique où on vous présente des solutions à vos problèmes après les avoir créés. Ouais. De toutes pièces. Mettons, ça s'explique bien quand même comme ça. Ouais, c'est très bien dit. Mettons qu'on vous invente le problème que vous avez. Vous n'êtes pas assez réveillé. Hein, Simon? Mettons, j'invente un problème de toutes pièces pour une personne là, que je nommerai même pas. On va l'appeler Simon, mettons. Mettons. Personne qui a pas assez dormi, le café fait pas effet, les petites pilules de caféine, c'est pas assez non plus. On vous présente le Arrow Shots. C'est des caffeine inhalers, un peu comme des affaires d'asthme, mais de caféine, OK? Ça contient de la poudre qui se dissout très rapidement, qui a pas vraiment de goût. Et ça vous donne un genre d'explosion de caféine instantanée. C'est 100 mg de caféine par cartouche AeroShot. Et ça peut prendre 6 à 8 shots pour vider la cartouche. Donc, c'est pas 100 mg. Oh! 100 mg par fois, là. Donc, c'est des petites cartouches qu'on peut acheter. Pour l'instant, on dit que ça va être disponible dans une 80aine de jours à New York et à Boston, dans des magasins où ça va être vendu. Donc, on peut s'attendre à ce qu'éventuellement, ça devienne quelque chose de répandu. On peut s'attendre à plusieurs crises cardiaques dues à trop de caféine. Potentiellement. Hein? Mais le monde va être bien en forme avant, tu sais. C'est ça, un peu trop. Le Yapper Zapper, vous êtes au cinéma ou n'importe où, dans une galerie d'art. Vous êtes en train de visiter le Arkham Asylum à la vieille prison de Trois-Rivières. Et là, tout le monde, son téléphone sonne. Tout le monde est en conversation avec leur téléphone. Le Yapper Zapper, ça peut bloquer les ondes GSM, CDMA, DCS, PHS et 3G. Sérieux? Même les affaires que je connaissais pas là-dedans, ben oui. Toutes les sortes de téléphones cellulaires, jusqu'à 10 mètres de circonférence ou 30 pieds, c'est loin. Et ça ressemble physiquement à un téléphone cellulaire avec un petit clapet vieux jeu. Donc, tu vas passer inaperçu quand t'as ça dans ta main. Tain, vous autres. Voilà, c'est génial. Ah, ça c'est coûte cool, ouais. $109 environ à essayer. Par contre, ça dit que c'est tristement illégal dans la plupart des villes et des pays. Ben oui. Et que vous allez peut-être avoir de la misère à vous le faire shipper. Mais ça vaut la peine d'essayer. Hein. Ensuite, parlons de... Vous avez peut-être de la misère, les gars, à utiliser des baguettes chinoises asiatiques. Non, pas du non. tout. Pas du non tout. Plus, j'aime ça, en fait, manger avec ça. C'est le fun. Prendre du riz, c'est difficile. Poutine? La poutine avec... Faut que j'essaye ouais, ça. C'est, ça vaut la peine. Même poutine à l'asiatique, genre avec du général Tao dedans, ça serait foutrement carré. Ouais, là, c'est un peu dégueu. Non. Wow. Je porte parole dans le corps du cœur, là. Il va lâcher. C'est un bon porte-parole. Mais chez, dans un restaurant là, qui est fini en dinde, t'as des pizzas asiatiques avec General Tao. Ouais, dedans, ouais, c'est dingue. Ça a l'air bon. Ça doit être pas super. Dans une pizza, là. Dans une poutine. En tout cas. Bref, Chopstick Aid. Hachi Chopstick Aid. C'est très, très simple. C'est une genre de cuillère, OK, que t'attaches à un bout avec deux petits tuyaux. T'insères tes baguettes dedans. Donc, d'un côté, et ça va comme flexible. C'est flexible, donc tu peux manger plus facilement. T'as pas à le tenir comme un crayon. T'sais. Et de l'autre côté, c'est une cuillère. Fait que tu peux manger avec la cuillère pour les dernières petites miettes à la fin. Oh, c'est comme pour débutants. Oui, parce que le riz, justement, comme tu disais, c'est difficile à prendre, mais quand il en reste plus beaucoup, là, c'est avec la cuillère, ça va. Quand il est bien fait par un bon restaurant, il va être plus facile à prendre parce qu'il est comme plus collant. Hein? Ouais. Mais sinon, ouais, ça dépend des places. Et ça, c'est pas. Pour l'instant, ce n'est qu'un concept, donc en dessin 3D qu'un gars a fait. Mais le gars, Daniel, qui s'appelle, a d'autres produits et qui sont devenus disponibles éventuellement. Donc, sûrement que le produit, les Hachi Chopstick Aid, vont devenir achetables bientôt. Pour l'instant, ça l'est pas. T'as un enfant et l'enfant veut pas manger avec... mettons, t'imites un petit avion, tu sais. Tu t'as posté sur notre page Facebook un petit avion, un réel avion en fourchette, là. Ouais, c'est ça, exactement, ce matin. Quand t'avais abordé le sujet. C'est la Air Fork One. C'est génial. Air Fork, au lieu de Air Force. Fourchette Fork. Air Fork One, c'est génial, non? Alors, bref, c'est pas de ça que je veux vous parler, même si l'idée est très très bonne, François. C'est pour les fans de Star Trek. Donc, ta cuillère est vraiment le USS Enterprise. Ah ouais? Oui, et la bavette a des petites lumières activées par le mouvement. Donc, t'es guidé par les lumières. Incroyable. Ça coûte 25$, ça vient avec 3 attachements de différentes cuillères. Si votre enfant aime Star Trek ou si vous aimez Star Trek et enseignez ça, léguer la connaissance de Star Trek à vos enfants avec ça, ça s'appelle la Star Trek Enterprise Light Up Baby Feeding System. Ouais, c'est ça, exactement. Vous avez encore le même enfant que dans le scénario précédent, mais celui-là est un fan de jeux vidéo, d'accord? Ou vous l'êtes aussi, même des jeux vidéo rétro. T'sais, moi, c'est particulièrement rétro. Moi, si j'avais un enfant, c'était pas mal. Bon. Donc, ici, c'est un morceau de bois. On dit que c'est du vrai bois. Comment, c'est un Canadian maple. C'est quoi ce Canadian maple? Érable. Érable. Et voilà. Fini avec un genre de truc qui, pour polir, là, mais qui est, dans le fond, parfait pour les enfants. C'est fait avec de la cire d'abeille, ces affaires-là. Bref. C'est un morceau de bois en forme de manette de Nintendo. Donc, vraiment, carré avec les lignes dessus. Ça s'appelle même le Nintito au lieu de Nintendo. C'est un jeu de mots. Ça coûte 12$, c'est super. Ça va apprendre à votre enfant à manger du bois. Toujours intéressant. Idée. Peut-être lui enseigner quel bois pouvoir manger. C'est pas tous les bois. Ensuite, machine à pinball pour la gomme. Parce que bon, t'as envie de jouer, mais t'as pas de machine à pinball. Puis tu vas en acheter une, peut-être, ben, je sais pas si c'est en moins cher, ça coûte comme 1000$ cette affaire-là. Mais c'est un genre de machine de pinball que tu mets des gommes dedans. Mm-hmm. Et là, tu tires avec le truc comme du pinball d'habitude. Là, il y a des trous à la place à la fin. Et puis, si tu tombes dans certains trous, tu vas gagner. Donc, la boule de gomme s'en vient puis tu peux la manger. Si tu perds, elle retourne dans le petit panier. Il va falloir que tu rejoues jusqu'à temps que tu gagnes pour pouvoir manger ta boule de gomme. Ça peut être long. Ça peut être très, très long. 1000$ pour cette machine très, très durable, nous dit-on. Pas besoin de pièces de monnaie ni d'électricité. Ah, c'est bien. Mais vraiment, t'as une grosse barre. Je sais pas s'ils viennent avec, mais en tout cas, on peut en mettre beaucoup dedans. Vraiment beaucoup. Là. Faut aller voir l'image sur assemblagerequis.com. Rapidement, je vais en sauter quelques-uns. Il y a un petit chargeur de iPod et iPad avec une caméra vidéo dedans. Donc, si quelqu'un vole votre iPod, vous allez pouvoir voir c'est qui. Ça, c'est quand même simple. Ça se branche dans le mur, donc ça prend pas trop d'électricité. Un de mes préférés, celui-là, c'est un bracelet de caoutchouc. Tu sais, comme les Livestrong le jaune, là, mais à la place, il est noir. Et à l'intérieur, t'as une genre de fente. Et deux petits encarts, en tout cas, bref, c'est que tu peux enrouler tes écouteurs autour de ton bracelet. Donc, t'enroules tes écouteurs et les deux écouteurs à la fin vont s'imbriquer dans les petits encarts. Et là, tu vas pouvoir transporter tes écouteurs sur ton poignet. Ah, mais ça, c'est intéressant. Et non seulement ça, mais vu qu'il est en caoutchouc, tu peux l'étirer et le mettre autour de ton iPod ou de ton iPhone. Oh, ho! Oh, oh, ho! Ça, ouais, ça, j'aime bien. Moi, j'adore ça, c'est magique. C'était un projet sur Kickstarter, où les gens peuvent proposer un projet et les gens vont déposer de l'argent. Et si tu atteins le montant, l'objectif, tu vas avoir l'argent pour pouvoir produire ton produit. Et ils ont réussi, tellement que c'est une bonne idée, donc vous allez pouvoir l'acheter, la production va commencer bientôt. Cool. Génial. Tu t'es fait un bobo, t'as besoin d'un pansement, mais tu veux pas que ça apparaisse que t'as un bobo. Tu veux pouvoir le justifier, ton bobo. T'as un bobo. Simon, oui, il y a un bobo. Oui, je me suis coupé avec une tasse l'autre fois. Bon, mais à la place de marquer, de dire aux gens, je me suis cassé avec une tasse, tu achètes ces pansements-là et ça dit, mettons, Ninja Fight. Ah. Ça vient d'une bataille avec un ninja. Dance Off, concours de danse. Shark Bite, me suis fait mordre par un requin. Ça marque ça sur ton pansement. Tu peux préjustifier à la place de... Il y en a-tu une aussi qui est décrit pendant que je faisais la vaisselle, lance de bâtard s'est cassé puis qui est rentré dans ma peau puis l'a ouvert. C'est bon, hein? Peut-être si tu découpes chacune des lettres des pansements puis peut-être. Mais t'auras plus de pansements. Non, malheureusement. Mm-hmm. Ça va coûter cher le pansement. Et on termine avec un... T'as un problème, tu veux te gratter dans le dos. Premièrement, bon, ça, tout le monde a un problème de se gratter dans le dos, c'est difficile. Tout le monde a acheté déjà une petite main, là, genre chez de la raclette, là, genre que tu peux te gratter le milieu du dos avec ça en plastique. Là. Mais toi, t'es vraiment plus geek que ça. Tu veux te faire gratter, t'as des fantasmes de zombies. Non? Ben oui. Je suis seul là-dedans. Non, moi, j'arrive à des zombies la nuit, tout nu dans mon lit. Mais Cool. Moi, le même. Donc, c'est une main de zombie que tu peux te gratter, mais c'est vraiment, ça a l'air réaliste. Là, si vous allez voir sur assemblagerequis.com, le dernier lien, Severed Zombie Hand Back Scratcher, ça a l'air sanguinaire, quasiment, cette affaire-là. Ça coûte 26$. C'est pas si cher que ça. Moi, j'aime bien ça. Main de zombie. Voilà pour les problèmes que vous aviez, ou si vous les aviez pas, bon, on les a créés et ensuite réglés d'un coup sec dans la main. C'est la chronique, ça existe, mais ça devrait pas. On l'a. Cool. Yeah. On en fera un autre jeudi prochain, si tout va bien. Mais pour l'instant, nous, on va terminer Assemblage Requis là-dessus, parce qu'une autre semaine se termine sur nos ondes avec nous. Triste, hein? C'est triste. Ouais. Déjà terminé. On remercie Simon Fitzbé, bien sûr, pour sa chronique. Oui, merci beaucoup, Monsieur Fitzbé. Ça fait plaisir. On remercie tous les autres chroniqueurs qui ont participé à l'émission cette semaine. On se retrouve lundi avec une toute nouvelle émission d'Assemblage Requis. Qu'est-ce qu'on a lundi à l'émission, François? Eh, hey, cool, la main de la grattoire, nous. Bon, à délai, mais oui, tout à fait. Ouais, exactement. Lundi, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a Kiwan. Kiwan, ben oui, certainement. Ah, Kiwan. On reçoit aussi. Voyons. Xavier, je te le demanderai plus. Ben oui, certainement. Xavier. Vous avez dormi des lundis cool. Ben tous oui, les jours sont cool, Simon. Hey, certainement, il nous amène de la bouffe. Hein? Je le sais. Il fait de la bouffe. Et un petit dessert ou un petit repas. Il nous avait amené des pâtes lundi. On n'a pas pu en parler en nombre parce qu'il nous l'a amené sur l'heure du midi, mais c'était excellent. Ouais, c'était très bon. Sa bouffe est tellement bonne. C'est tellement, tellement bon. Donc, Xavier avec sa chronique Tais-toi et cuisine à 8h. Kiwan, c'est à 7h15. Et puis, à 8h30, on a Nicolas Ducharme avec sa chronique sport. Ouais, Nicolas Ducharme. Hey, toi, là, t'en mets pas mal. Tu as l'air pas mal trop réveillé. Est-ce que t'as pris un arrow shot? Jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pas bon, ça. Non, moi je le ferais pas. C'est pas de temps en temps là, pour l'examen, non? Non. Plus d'examen. Moi, je trouve ça relâche. C'est fini, ça? J'ai reparti une genre de la version plus longue de notre thème pour pouvoir parler, mais... Parce qu'on n'a pas d'émission après nous, puis c'est rare de ces temps-ci. Hey, Red, on défonce. C'est rendu, bon, tu sais, on a quelqu'un après nous le lundi puis le mercredi maintenant, et puis hier, j'ai tellement complètement oublié qu'on avait l'émission après nous. C'est difficile de s'en rappeler. Là, ils vont prendre congé pour la semaine de relâche, ils vont revenir la semaine d'après, puis je vais encore avoir oublié qu'ils sont là. Je me sens mal. Je vais essayer de te le rappeler. Ce serait bien fin. Restez à l'écoute sur nos ondes tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a rien à 9h. On s'entend, c'est la sécheuse, c'est de la bonne musique qui va jouer. Là. Vous allez pouvoir danser non-stop sans voix fatigante, genre de Mathieu Plante, ainsi que vous gossez les oreilles. Ça, c'est de 9h à 10h. Ensuite, à 10h, je serai de retour avec CNX.zip. On compresse toutes les chroniques CNX de la semaine en une seule et même émission d'une heure. Ça commence à 10h, à peu près, pardon. Après, à 11h, c'est le dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Aujourd'hui, ils vont goûter de la bière avec la barrique. Oui, exactement. C'est jeudi où ils font leur dégustation de bière. Tu vois, lui, Danny est jaloux de nous parce qu'on a des desserts et du thé le lundi, mais nous, on est jaloux de lui le jeudi parce qu'il y a de la bière. Oui, il y a de la bière. Oui, exactement. Je suis pas sûr que j'en boirais le matin, là, comme ça. Là. Non, mais... j'avoue qu'à 7h et 9h, je trouve ça de bonheur, mais. Tu sais, c'est parfait. Ah, il est midi. À quelque part dans le monde. Je vais vous emmener une bière, m'emmener, les gars. Cool. Vous en aimez bien. Tu vas repartir avec. Ouais. Non, mais une petite chronique de café aussi, ça pourrait être pas pire, ça. Non? Ah, ouais. Ça, vous verrez où le chercher vous-même. Bon. Hey, ben, merci. Ouais. T'es fin que nous autres, pas mal, je trouve. En tout cas, on se trompera pas, on t'appellera pas Xavier. Hein? Hey, les gars. Il n'y a pas de danger. À 13h, restez à l'écoute pour 6 degrés avec Kim Bergeron. Puis je serai de retour encore parce que c'est jamais assez. Hein? Je les aime assez. Ben, tu plantes des. J'aime ça, c'est le Mathieu Plante. Hey, j'aime ça! Ouais. Oh! Hey, chanson thème! Simon est bon chanteur. Hein? Non. Non? Non. Non, non, moi non plus. Pointe-moi pas, toi. Je n'ai jamais essayé le Mathieu Plante. Mathieu Plante. Bon, donc à 14h, c'est les palmarès assez fous avec moi-même et Marie-Pierre Laforge-Bourret. Le top 40 de la semaine assez fou. Et puis en soirée, la spirale Skypunka et le lobby. Allez voir sur cif.ca pour la programmation complète. Et allez voir sur assemblagerequis.com pour les notes de l'émission d'aujourd'hui. Tous les liens et les balado-diffusions de chaque émission depuis le tout début. Voilà pour Assemblage Requis. On va se quitter avec une pièce de Malajube. C'est Cro-Magnon sur leur album La Caverne. Passez une excellente fin de semaine. Les gars, là, on pourrait défoncer de même jusqu'à 10h, mais en même temps, il faudrait peut-être que j'aille monter CNX.z pour pouvoir la jouer à 10h. Fait que je m'en vais. Mais à la jupe tout de suite. On se revoit lundi. Bonne fin de semaine. À lundi. Bye.